إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثنا اليوم معشر المسلمين هو حول شرب الخمر. فشرب الخمر معصية عظيمة نهى الله عز وجل عنها وحذر منها وحرمها على المسلمين. فالخمر مذهبة لعقل الإنسان، يستوي الإنسان عند شربها بالبهائم ويفعل ما لا يمكن أن يفعله حال صحوه قبل شربها. لهذا حرمه الله تبارك وتعالى، لهذا حرمها الله تبارك وتعالى ورفضتها الفطرة السوية. فالإنسان السوي عندما يرى ما تفعله الخمر بشرابها فإنه ينفر منها حتى لو لم يعلم تحريمها. يروي ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية أن عاصم المنقري، وهو من سادات العرب قبل الجاهلية أو من سادات العرب في الجاهلية، حرم على نفسه الخمر قبل الإسلام، وذلك لأنه سكر يوما لأنه سكر يوما على ذات محرم منه فهربت منه، فهجم عليها فهربت منه. فلما أصبح قيل له في ذلك فحرم على نفسه الخمر، وقال: رأيت الخمر منقصة وفيها مقابح تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما. فالخمر إذن أيها المسلمون منقصة، يدرك أو يدرك هذا كل ذي فطرة سوية. وقد سميت خمرا لأنها تخامر العقل وتحجبه، فهي ساترة للعقل الذي هو ميزة الإنسان. ولهذا فإنه يدخل تحت مسمى الخمر كل ما استحدث من مسكرات ومخدرات. Le sujet du discours aujourd'hui portera sur la consommation du vin et de toute autre boisson alcoolisée, de boire du vin et les boissons alcoolisées est un grand péché en islam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit et a mis en garde contre ces boissons alcoolisées. Et l'alcool fait fuir la raison de la personne. Et une personne en état d'ivresse est comparable à un animal qui est dénué de toute raison. Et ainsi, une personne enivrée peut faire des choses qui lui seraient inconcevables de faire dans un état normal. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation de l'alcool. Et les personnes douées du sens inné, les personnes dont le sens inné n'a pas été changé, n'a pas été altéré, rejettent les boissons alcoolisées et la consommation de l'alcool. Même s'ils n'en connaissent pas l'interdiction, en envoyant uniquement les effets néfastes, cela leur suffit pour s'éloigner de cette chose ignoble. Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte dans son livre qu'un dirigeant des Arabes, avant l'arrivée de l'islam, avait consommé de l'alcool jusqu'à en être ivre. Et il a voulu avoir des rapports avec une femme qui lui est interdite au mariage. Et elle a réussi à s'enfuir. Et le lendemain matin, lorsque l'on lui a dit la chose qu'il s'apprêtait à faire, il a dit et a interdit à lui-même la consommation de l'alcool, et ceci avant même l'arrivée de l'islam. Et il a dit dans un vers de poésie, « J'ai vu l'alcool qui est une bassesse et qui rabaisse, et elle humilie les gens honorables. Je jure par Allah que je ne la boirai pas ou que je ne consommerai pas d'alcool durant mon vivant et que je n'utiliserai également pas l'alcool comme un médicament. » L'alcool et toutes les boissons alcoolisées sont donc des bassesses qui font plonger l'être humain dans le ridicule et dans l'humiliation. Pour cela que l'alcool est appelé khamr en islam, en arabe. Le vin est appelé khamr car il recouvre la raison. Il recouvre la raison. Et tout ce qui a les mêmes effets que l'alcool en a le même jugement. أيها المسلمون وقد جاء الإسلام فحرم شرب الخمر فحرم هذا الشراب المذهب للعقل لأن الإسلام جاء ليكرم الإنسان وليحفظ المجتمعات من الآثار السيئة لكثير من المعاصي والجرائم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية قال قوله فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداوة ولا غير ذلك. هكذا أيها المسلمون سد القرآن منافذ الخمر وحرم استعمالها، وحتى لا يحوم حول الخمر المسلم. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بين أن أي تعاط أو اكتساب أو استفادة من الخمر محرم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرجه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعا وساقيها ومسقيها. صححه الألباني. وعن أنس ابن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتارة له. والحديث صححه الألباني أيضا. هكذا أيها المسلمون يحسم إسلامنا السمح الحنيف الأمر حسما جازما، ويرفع العذر عن أي مسلم يقع فريسة في أيدي هذه الآفة الخطيرة حين يحرم عليه كل الطرق التي تقربه من هذه المادة المحرمة. Et l'islam est donc venu pour interdire toute boisson alcoolisée qui élimine la personne ou qui élimine la raison de la personne. Car notre religion vient pour honorer l'être humain. Allah Azza wa Jalla a dit, nous avons honoré le fils d'Adam. Et également, l'islam vient protéger la société de tout effet néfaste et de toute turpitude qui pourrait y survenir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Puis Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset suivant, le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, la haine et le mécontentement, et vous détourner du rappel d'Allah ainsi que de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ? Allah Azza wa Jalla dit, allez-vous donc y mettre fin ? Après avoir pris connaissance que le vin fait partie des ruses du diable pour créer la discorde entre les gens et pour les détourner du rappel d'Allah et de les détourner de l'accomplissement de la prière qui est le second pilier de l'islam. Il faut donc s'abstenir. Allah Azza wa Jalla a dit, abstenez-vous-en. Et il a dit dans le verset suivant, allez-vous enfin y mettre un terme. Allah Azza wa Jalla nous exhorte et nous ordonne ici de nous abstenir de l'alcool et de ne pas nous en approcher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu appuyer cette interdiction en donnant beaucoup plus de détails et en fermant toutes les portes qui pourraient amener à la consommation de ces substances maléfiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abdullah ibn Abbas, Jibril est venu à moi et m'a dit, ô Muhammad, Allah maudit le vin, celui qui les sort, celui pour qui on les sort, celui qui le boit, celui qui le porte, celui vers qui on l'a porté, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le sert et celui à qui on l'a servi. Et dans l'autre hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit autour du vin 10, celui qui presse, c'est-à-dire qui presse le raisin, afin d'en extraire le jus, celui pour qui on l'a pressé. C'est-à-dire que même si tu le presses, non pas pour le consommer toi, mais pour que les autres le consomment, tu entres également dans la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui la boit, celui qui la transporte, même s'il ne la consomme pas, celui pour qui on l'a transporté, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui en mange les bénéfices, c'est-à-dire celui qui le vend ou par tout autre moyen a tiré bénéfice du vin et de l'alcool, il entre également dans la malédiction, celui qui l'achète et celui pour qui on l'a acheté. Ainsi l'islam vient fermer les portes, toutes les portes, aux musulmans et à tous ceux qui considèrent Allah comme Seigneur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme envoyé, et l'islam comme religion. Il leur ferme toutes les portes pour qu'ils ne s'approchent ni de près ni de loin de l'alcool et du vin. وللخمر كثير من الآثار النفسية والجسدية السيئة كأمراض وغيرها وآثار اجتماعية أيضا كالتفكك الأسري وحالات الطلاق وضياع الأبناء. هذا غير الآثار السيئة الكثيرة على المستوى العام. إذا عرفنا هذا أيها المسلمون علمنا شيئا من الحكمة أو من حكمة الباري جل وعلا في تحريم تناول هذه المادة الخبيثة وعلمنا مدى خسارة المجتمعات التي لم تهتدي بنور الله سبحانه وتعالى. وقد حذرنا ديننا الحنيف أيما التحذير من الخمر، بل قال، بل لقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء سيئة زيادة في التنفير منها، فسماها أم الخبائث وهي أم الخبائث حقا. وقال عنها صلى الله عليه وسلم أنها مفتاح كل شر، وذلك لأن شاربها يفقد وعيه ورشده فيرتكب أي معصية إذا شربها، فهي تجر إلى السب والشتم، وتجر إلى السرقة، وتجر إلى الزنا والقتل. يقول صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفاتح كل شر. أخرجه ابن ماجه عن أبي الدرداء. ويقول أيضا فيما أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. والحديث صححه الألباني. فهل أيها المسلمون بعد هذا التحذير تحذير، وهل بعد هذا النكير نكير؟ فكيف يسمح المسلم بعد أن يجعل بعد هذا أن يجعل في من بطنه مكانا لهذه المادة الخبيثة، ومن فهمه ومن فمه ممرا لهذا الشرب المنتن؟ Sans parler de l'interdiction et des effets néfastes de l'alcool et des boissons alcoolisées, il y a aussi les effets néfastes concernant la personne et toutes les maladies que peut engendrer la consommation des boissons alcoolisées, et également tous les effets néfastes qui peuvent en découler dans la société, comme le fait de détruire des familles, comme le fait de divorcer, comme le fait de délaisser des enfants et les laisser à leur sort. Ceci sans parler de beaucoup d'autres effets néfastes de la consommation d'alcool. Et en sachant cela, nous prenons connaissance de quelques sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le fait qu'il est interdit à l'ensemble de l'humanité de consommer les boissons alcoolisées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accentué dans la mise en garde contre la consommation du vin et de l'alcool. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le vin la mère des turpitudes, la mère des vilenies. Et il a aussi appelé, sallallahu alayhi wa sallam, la clé de tout mal. C'est donc la clé de tout mal. Et c'est donc la mère des turpitudes. Ceci car celui qui consomme le vin et l'alcool perd sa raison et commet des péchés qui l'amènent le plus souvent à insulter, qui l'amènent le plus souvent à voler, qui l'amène le plus souvent à commettre l'adultère ou la fornication, et qui l'amène aussi, et malheureusement, à commettre des assassinats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne buvez pas le vin, car c'est la clé de tout mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, selon Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui boit du vin, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. S'il se repent, Allah acceptera son repentir. S'il recommence, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. S'il se repent, Allah acceptera son repentir. Et s'il recommence, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et s'il se repent, Allah acceptera son repentir. Et s'il recommence une quatrième fois, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Et s'il se repent, Allah n'acceptera pas son repentir, et il boira de la sueur des gens de l'enfer, wal'iyadu billah. Chers musulmans, y a-t-il, après cette mise en garde, une mise en garde que l'on peut faire, en plus, après avoir pris connaissance de ce hadith effrayant, comment un musulman peut-il encore laisser de la place dans son ventre pour accueillir cette substance maléfique? Ou comment un musulman, après avoir pris connaissance de tout ceci, peut encore utiliser sa bouche comme l'entrée dans son corps de cette substance maléfique? أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي الله سبحانه وتعالى عن الخمر وهي في أيديهم وعلى شفافهم، فأقلعوا عنها وتابوا منها بل وأهرقوها فورا ولم يسعوا حتى إلى التأكد من التحريم أو الاحتفاظ بها لعلهم يستفيدون منها بشيء. عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبسر، فإني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة، مر رجل فقال: إن الخمر قد حرمت. فما قالوا: متى؟ أي حتى ننظر؟ قالوا: يا أنس أهرقها. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وهكذا يكون الامتثال، وهكذا تكون الفطرة السليمة. بل إن من الصحابة من كان ينتظر تحريم الخمر على أحرى من الجمر، لأنه كان يعلم أثرها على سلوك الإنسان وعلى صلاته وعباداته. ذلكم هو الفاروق. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يروي النسائي عن عمر أنه كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في البقرة، فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. Et lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appris la nouvelle de l'interdiction de la consommation du vin et de l'alcool, l'alcool était dans leurs mains et ils étaient en train de le consommer. Mais une fois avoir pris connaissance de l'interdiction de ceci par Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont abstenus sur le champ et n'ont même pas demandé une confirmation et n'ont même pas essayé de trouver un délai pour profiter une dernière fois de la consommation du vin ou de l'alcool. Non, ils ont versé les verres qu'ils avaient dans leurs mains et ils ont détruit tout ce qu'ils avaient en leur possession. Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit qu'il donnait à boire, c'est-à-dire du vin et de l'alcool, aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient chez Abu Talha, et un homme est venu et a dit: le vin vient d'être interdit. Et Anas radiallahu anhu a dit: ils n'ont pas dit quand ou nous allons demander confirmation. Ils ont dit: oh Anas, verse le vin, déverse-le. Ainsi était l'obéissance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres compagnons attendaient même la révélation de l'interdiction du vin et de l'alcool. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et disait: oh Allah, montre-nous dans le vin un jugement clair et évident. Puis est descendu le verset dans Sourate Al-Baqarah. Et lorsqu'il a été lu sur Omar al-Khattab, il a dit, oh Allah, montre-nous sur le vin un jugement clair et évident. Puis est descendu le verset de Sourate les femmes, où Allah Azza wa Jalla a dit, oh vous qui avez cru, n'approchez pas la prière en état d'ébriété. Et celui qui appelait à la prière au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce verset a été révélé, disait aux gens, n'approchez pas la prière en état d'ébriété. Et lorsque ce verset a été lu à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a dit, oh Allah, montre-nous dans le vin le jugement clair et évident. Puis est descendu le verset de sourate, la table servie, où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de façon claire la consommation du vin et de l'alcool, et a dit, quand ou allez-vous enfin y mettre un terme? وَلَقَدْ تَوَعَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَارِبَ الْخَمْرِ وَمُدْمِنُهَا بِوَعِيدٍ شَدِيدٍ بِوَعِيدٍ شَدِيدٍ مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ حُرْمَانُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمِنْ خَمْرِ الْجَنَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَنْهُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فخمر الجنة خمر لذيذ ليس كخمر الدنيا الخبيث وهذا الخمر اللذيذ الذي يجري نهرا في الجنة وعد الله به المؤمنين الذين يدخلون الجنة أما من أدمن الخمر في الدنيا لم يدخل الجنة فهو محروم ومن هذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر حسنه الألباني ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة ومن هذا الوعيد أيضا أن شارب الخمر يلقى الله سبحانه وتعالى كعابد الأوثان والعياذ بالله فكما كان في الدنيا عبدا لهذا الشراب الخبيث عاكفا عليه حشر يوم القيامة كغيره من عباد الأوثان يقول صلى الله عليه وسلم من مات وهو مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن ومن هذا الوعيد والعياذ بالله أن الله يسقي شارب الخمر من طينة الخبال وهي عرق وعصارة أهل النار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وإن على الله لعهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال عرق أهل النار أخرجه مسلم فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا وساوس الشيطان وخطواته يقول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله عز وجل أميان غار يبخمي لشتمان à celui qui consomme l'alcool et qui s'adonne à sa consommation parmi les menaces qu'Allah Azzawajal fait sur lui, c'est qu'il ne pourra pas consommer et qu'il sera privé de l'alcool du paradis. Allah Azzawajal, lorsqu'il a décrit le paradis dans son Coran, a dit subhanahu wa ta'ala, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'eau qui ne comporteront jamais de mauvaises odeurs et des ruisseaux de lait au goût inaltérable. Et Allah Azza wa Jalla dit également, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Le vin du paradis est donc un vin délicieux, un vin pur et non pas comme le vin maléfique et néfaste de cette vie d'ici-bas. Quant à celui qui consomme le vin et l'alcool dans cette vie d'ici-bas, il en sera privé le jour de la résurrection et au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entrera pas au paradis celui qui s'adonne à la consommation du vin et a le même jugement à la consommation de l'alcool. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute boisson enivrante est considérée comme du vin et toute boisson enivrante est interdite. Et celui qui boit du vin dans cette vie d'ici-bas meurt en s'adonnant à la consommation de celui-ci sans se repentir. Il n'en boira pas dans l'au-delà. Et les menaces également qu'a proféré Allah Azza wa Jal à l'encontre de celui qui consomme le vin et l'alcool, c'est qu'il sera ressuscité le jour du jugement comme ceux qui adorent des statues. En effet, cet homme qui aura consommé l'alcool aura considéré cet alcool comme une divinité devant laquelle il s'humilie et à laquelle il obéit, ainsi pour être châtié, il sera ressuscité le jour du jugement, wal'iyadu billah, en étant considéré comme adorant une statue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en s'adonnant à la consommation du vin rencontrera Allah comme avoir adoré une statue. Et également, parmi les menaces qu'a proféré Allah Azza wa Jal à celui qui consomme le vin et l'alcool, c'est qu'il boira du jus des gens de l'enfer. Et le jus des gens de l'enfer n'est autre que leur sueur mélangée à leur pu et à leur odeur nauséabonde qui se dégagera de leur corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute boisson enivrante est interdite. Et Allah subhanahu wa ta'ala prend l'engagement et fait le pacte avec celui qui a consommé des boissons enivrantes de lui donner à boire du jus et de la sueur des gens de l'enfer. Wal'iyadu billah. Et le hadith est authentique et rapporté dans Muslim dans son sahih. Il faut donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala et prendre garde et se méfier du diable et de ses ruses, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le diable vous fait craindre la pauvreté et vous recommande la turpitude, tandis qu'Allah vous promet le pardon et faveur venant de lui subhanahu wa ta'ala. La grâce d'Allah est immense et il est subhanahu wa ta'ala connaisseur de toutes choses. فلنحذر أيها المسلمون على أنفسنا وعلى أبنائنا وإخواننا من هذه الآفات الخطيرة التي هجمت ففتكت فكم هدمت من بيوت وكم خربت من ديار وكم شردت من أناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر كل معصية وفتنة وأن يجعلنا وأن يجنبنا مواطن الزلل والزير إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده